wasn't true, and you passed them by. Passed them by. Though you're in the serene, and their lines don't mean a thing, why don't you let me try? Let me try. Now I don't wear a dime. I'm sure you will see. You will see. The things I am saying are true, and the way I explain them to you. Listen to me. La la la la la la la la la. I love you. Oh, baby. La la la. Salut à tous et bienvenue dans Solid Gold, j'espère que vous allez bien. Solid Gold, chaque semaine, c'est votre émission de variété anglo-saxonne. Nous avons un album fil rouge chaque semaine et cette semaine, eh bien, c'est un best-of, une fois n'est pas coutume. Et je vous propose de découvrir un groupe qui s'appelle The Delphonics, un groupe qui s'est formé en 1965 et qui s'est séparé en 1974. Ça a été le premier groupe, il y a eu plusieurs courants dans la soul music, il y a eu le son de Motown et puis il y a eu aussi, Motown venait de Détroit et il y a eu aussi un son de soul music qui est venu de Philadelphie, de Philadelphia Sound, popularisé notamment par le producteur Tom Bell. Eh bien, ce groupe qui nous accompagne ce soir, que vous venez d'entendre, qui s'appelle The Delphonics, eh bien, nous allons écouter leur best-of. Le best-of des Delphonics est l'album fil rouge de ce soir dans Solid Gold. On vient d'entendre la chanson qui a été leur plus gros tube, La La Means I Love You. On les retrouve tout de suite avec Ready or Not, Here I Come. Les Delphonics sont les vedettes de ce Solid Gold numéro 261. C'est parti. You can't hide. Gonna love you. disc and the cellos, harps and flugelhorns with the precision of a hummingbird's harp. He's the lord of the monarch butterflies, one time ruler of the world of ours. Bring infinity home. Caruso in his prime. Yeah, the king of them all was Enrico, whose singular chest could rival 100 fervent Baptists giving forth in the tent revival. It's true he was a vocal miracle, but that's only secondary. It's the soul of the monarch butterfly that I find a little bit scary. Bring infinity home, let me embrace it one more time. Make it the lilies of the field, a Caruso in his prime. Perhaps he's just a vehicle to bear us to the hills of truth. That's truth spelled with a great big exposes. Why go looking for lilacs when you're lying in a bed of roses? Bring infinity home, let me embrace it one more time. Make it the lilies of the field, or Caruso in his prime. Change of heart, just remember it's not. Eric Carmen dans Solid Gold avec Change of Heart, c'était fin des années 70. Et puis juste avant, Joan Baez avec Caruso. On va retrouver tout de suite les Delphonics qui sont les invités fil rouge de ce Solid Gold ce soir avec leur compilation Very Best Of. Une chanson qui s'appelle Trying to Make a Fool of Me. Et puis comme dans Solid Gold, on aime bien mélanger les genres et les époques. Ce sera Madonna juste après avec Something to Remember. Not nobody else can. We weren't meant to be, at least not in this lifetime. But you gave me something to set your stakes too high, you're bound to lose. In the game of love, I've paid my dues. Guess I'm waiting for my place in the sun. Wish I had the chance to. Bye. Earth, Wind & Fire aussi est un groupe qui a marqué de son empreinte l'histoire de la musique américaine un petit peu juste après les Delphonics qui nous accompagnent ce soir en fil rouge. Là, on vient de les entendre avec un de leurs tubes, That's the Way of the World. Les Delphonics, donc, qui se sont formés en 1965, le groupe était composé de Wilbert Hart, William Poogie Hart et Randy Kane. Randy Kane, au début des années 70, a quitté le groupe, a été remplacé par Major Harris. Et ils ont donc été produits par Tom Bell, qui a été le créateur de ce Philadelphia Sound qui a engendré beaucoup de carrières, dont celle de Patti LaBelle, qui a signé à la fin des années 70 avec le label Philadelphia Records et qui est devenue une vedette grâce à ce label. Pour Patti LaBelle d'ailleurs, c'est très drôle. On va retrouver tout de suite donc les Delphonics qui sont nos invités fil rouge de ce soir avec une chanson qui s'appelle « Didn't I Blow Your Mind ?» This time, et puis on montera un petit peu dans le temps après avec tout d'abord Leslie Gore et Just Let Me Cry et Dean Martin ensuite. Tonight. Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't wanna tarantala, hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiana, try an angelada with the fish baccalà. And then hey gumba, my lover, how you dance the rumba. But take some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey mambo, mambo Italiano, hey mambo. Mambo Italiano, go, go, Joe. Shake it like a Giovanna. Hello, kiss a digi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano. Hey, Chadro. You don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a vino. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking, do you? Hey, mambo. Mambo Italiano. Hey, mambo. Mambo Italiano. Ho, ho, ho. You mixed up a Siciliano. Hello, kissy, did you? You get happy in the pizza when you mambo Italiano. de la soul, du R&B, de la country, pourquoi pas du gospel, du jazz aussi. Tous les styles de variété anglo-saxonne sont représentés chaque semaine dans Solid Gold. On aime bien, vous savez, mélanger les genres et les époques. Le jazz, bah, c'était à l'instant avec David Benoit, le pianiste, avec son album, son titre plutôt Drive Time. Et puis juste avant, un méga tube international, Mambo Italiano, c'était la version du grand Dean Martin. On retrouve tout de suite les Delphonics, qui avec leur compilation Very Best of the Delphonics sont nos artistes fil rouge de ce soir. Ils reprennent une chanson, un standard de la chanson américaine Going Out of My Head. Et puis ensuite, on reviendra dans les années 80, en 1987, avec la chanson de cette année-là, le duo Patti LaBelle Michael McDonald. On Wake up everyone, how can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait before the dream is over. I'm gonna make it mine. Yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. I keep my life on a heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. I am finally there, and all the angels they'll be singing ah la la la, ah la la la, ah la la la la la. Yes. Well, I don't wanna break before the tour is over. I'm gonna make it mine. Yes, I'm alone and I'm gonna make it mine. Yes, I'm. Jason Mraz dans Solid Gold avec Make It Mine, et juste avant Patti LaBelle et Michael McDonald, On My Own, une chanson écrite par Burt Bacharach qui a été un immense succès en 1987. C'est le groupe The Delphonics qui nous accompagne ce soir dans Solid Gold avec leur compilation The Very Best Of qui nous permet de découvrir ce groupe pas très connu en France. On le connaît un petit peu parce que Quentin Tarantino, dans son film Jackie Brown, a utilisé deux chansons du groupe The Delphonics, deux chansons qu'on a écoutées tout à l'heure. Tout d'abord, Lala Means I Love You, qui a été leur plus gros tube, qu'on a entendu en tout début d'émission. Et aussi la chanson Didn't I Blow Your Mind This Time. On va les retrouver avec You Got Yours and I'll Get Mine. Et juste après, nous aurons la très élégante Peggy Lee avec I'm a Woman. If by chance you feel that you don't need me, oh baby, oh baby, and if by chance you find that you can't love me, oh baby, oh baby, well, I'll give the world to keep you happy, and don't worry, my got 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can start an iron 2 dozen shirts before you can count from 1 to 9. I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can. Throw the skillet, go out and do my shopping, be back before it melts in the pan. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. I can rub and scrub till this whole house is shining like a dime. Feed the baby, grease the car, and powder my face at the same time. Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. and then lay down at 5, jump up at 6, and start all over again. 'Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I'll say it again. If you come to me sickly, you know I'm gonna make you well. If you come to me all hexed up, you know I'm gonna break the spell. If you come to me hungry, you know I'm gonna fill you full of grits. If it's loving you're lacking, I'll kiss you and give you the shivering fits. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. I got a $20 gold piece, says there ain't nothing I can do. I can make a dress out of a feed bag, and I can make a man out of you. 'Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I'll say it again. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. And that's all. You les années 50 avec Peggy Lee et I'm a Woman, et les années 80 avec Daryl Hall et John Oates à l'instant, Private Eyes. Solid Gold ce soir vous propose de découvrir un groupe qui s'appelle The Delphonics, un groupe qui s'est formé en 1965, qui s'est séparé en 1974 et qui a été en quelque sorte le lancement du Philadelphia Sound, les grands concurrents de Motown, grands concurrents de Stax aussi, un autre label mythique de la soul music, Somebody Loves You. C'est la chanson qu'on va écouter maintenant, et puis extrait du dernier album en date de Dionne Warwick, un album de gospel. On rend hommage en même temps à sa sœur Didi, la chanteuse Didi Warwick, qui est disparue l'an dernier. C'était un duo, Dionne et Didi, ensemble, Why We Sing. Somebody loves you. Even wrong. sing because we're happy. We sing because we're free. His eye is on the sparrow. He's the reason why we sing. Glory, hallelujah. You're the reason why we sing. Glory, hallelujah. You're the reason why we sing. Someone asked the question, why do we sing? When we lift our hands to Jesus, what do we really mean? Someone may be wondering, when we sing our song, at times we may be crying, and nothing's even wrong. I tell them that we sing because we're happy. Oh yes, we sing because we're free. Because we're free. His eye is on the sparrow. He's the reason why we sing. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. You're the reason why we sing. Glory, hallelujah. You're the reason why we sing. Glory, hallelujah. We give the praises to you. Glory, hallelujah. You're the reason why I sing. When the song over, we've all said amen. In your heart, just keep on singing, and the song will never end. And if someone should ask you, was it just a show? Oh, lift your hand and be a witness. Be tell the whole world no. When we cross that river to study war no more, we will sing our song to Jesus. He's the one that we adore. You know we sing because we're happy, and we sing because we're free. We know his eye is on the sparrow. He's the reason why we sing. Glory, glory, hallelujah. He's the reason why we sing. Glory, glory, glory, hallelujah. He's the reason why we sing. Glory, glory, hallelujah. We give the praises to you. Glory, hallelujah. He's the reason why we sing. He's the reason why we sing. He's the reason why we sing. He's the reason why we sing. He is the reason. You're the reason why we twice and beg you pretty please. She'd have said yes in a New Year. young men, they never tied a knot. His heart wasn't in it. He just stole a kiss as he rode away. He never hung his hat up at Kitty's place. I should have been a cowboy. I should have learned to rope and ride. Wearing my six shooter, riding my pony on a cattle drive. Stealing a young girl's heart. Just like Gene and Roy, singing those campfire songs. Oh, I should have been a cowboy. Sidekick with a funny name, running wild through the hills, chasing Jesse James, ending up on the brink of danger, riding shotgun for the Texas Rangers. No West, young man, haven't you been told? California's full of whiskey, women and gold, sleeping out all night beneath the desert stars, with a dream in my eye and a prayer in my heart. I should have been a cowboy. I should have learned to rope and ride. Wearing my six shooter, riding my pony on a cattle drive. Stealing a young girl's heart. Just like Gene and Roy, singing those campfire songs. Oh, I should have been a cowboy. Should have been a cowboy. I should have learned to rope and ride. I'd be wearing my six shooter, riding my pony on a cattle drive. Stealing a young girl's heart. Just like Gene and Roy, singing those campfire songs. Oh, I should have been a cowboy. Yeah, I should have been a cowboy. Should have been a cowboy. Quand je vous disais que dans Solid Gold on aimait bien le mélange des genres, je ne vous mentais pas, puisqu'à l'instant, eh bien, c'était de la country avec Toby Keith et You Should Have Been a Cowboy. Et puis juste avant, c'était plutôt du gospel. Dionne Warwick en duo avec sa sœur Didi Warwick, Why We Sing. La soul aussi, on aime bien ça dans Solid Gold. La preuve ce soir avec ce groupe The Delphonics, un groupe produit par Tom Bell et dont le Greatest Hits, Very Best Of, ce que vous voulez, la compilation des meilleurs titres, est notre album fil rouge de ce soir. On va entendre une chanson qui s'appelle Funny Feeling, et ensuite, eh bien, chez les concurrents, chez la Motown, il y avait notamment Diana Ross et les Supremes avec Reflections. Thank you.

gentle raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, building big castles way on high. Just the two of us, you and I. Just the two of us, we can make it. Just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. Quand deux artistes avec de très beaux instruments se rencontrent, ça donne la voix de Johnny Mathis et le saxo de Kenny G dans Solid Gold avec Just the Two of Us. Et on avait Diana Ross et les Supremes aussi avec Reflections. The Delphonics, The Very Best of the Delphonics, c'est notre album fil rouge de ce soir. On va les retrouver sans plus tarder avec une chanson qui s'appelle Loving Him. Et ensuite, on aura Mademoiselle Barbara Lewis avec Baby, I'm Yours. Say that we are through, but you can't be loving him. You say you love me, baby. He's only gonna love you, baby. You know it's not so hard to find the one you love. I'm the one you love. Hey, do you wanna take a chance? Of time. stay right here by your side. Do my best to keep you satisfied. Nothing in the world can drive me away, 'cause every day you hear me say, baby, eternity, baby, I'm yours. Till the stars fall from the sky, jazz, ça fait du bien aussi. C'était la trompette de Maynard Ferguson avec The Lamp Is Low, et puis juste avant un petit tour dans les années 60 avec Barbara Lewis et Baby I'm Yours. On reste dans cette période des années 60-70 avec The Delphonics qui sont nos artistes fil rouge de ce soir. La chanson qu'on va entendre maintenant s'appelle I'm Sorry et puis eh bien on restera un petit peu dans le jazz avec le saxophoniste Dave Coz en duo avec Anita Baker. So if I change you,

Alors là, vous allez d'un coup avoir une salve de groupes mythiques de la musique américaine et anglaise, puisqu'on vient d'entendre les Beatles avec While My Guitar Gently Weeps, et on va retrouver tout de suite les Delphonics avec When You Get Right Down To It. Ils seront suivis eux-mêmes des Mamas and Papas. Bah, que vous dire de plus, c'est tout l'esprit de Solid Gold. Thank you. and the birds in the trees. Don't need no fortune, no money or fame, 'cause when I got my... Les mamas and papas dans Solid Gold avec My Girl, et puis juste avant les Delphonics, bien sûr, avec When You Get Right Down to It. Nous arrivons à la fin de ce Solid Gold. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur votre radio. On va se retrouver la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau numéro de votre émission de variété anglo-saxonne. Nous aurons un nouvel album fil rouge, comme l'était ce soir, cette compilation, un best-of du groupe The Delphonics. On va bien sûr se quitter avec un dernier extrait de cet album, qui est un petit peu l'hymne du groupe, puisque le morceau s'intitule The Delphonics Theme. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne nuit. Et faites de beaux rêves. Salut !